Lévitique chapitre 27. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, quand quelqu'un aura fait un vœu important, les personnes vouées à l'Éternel seront mises à ton estimation. Et l'estimation que tu feras d'un mâle, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 60 ans, sera du prix de 50 sicles d'argent, selon le sicle du sanctuaire. Mais si c'est une femme, alors ton estimation sera de 30 sicles. Que si c'est d'une personne de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, alors l'estimation que tu feras d'un mâle sera de 20 sicles, et quant à la femme, l'estimation sera de 10 sicles. Et si c'est d'une personne de l'âge d'un mois jusqu'à l'âge de 5 ans, l'estimation que tu feras d'un mâle sera de 5 sicles d'argent, et l'estimation que tu feras d'une fille sera de 3 sicles d'argent. Et lorsque c'est d'une personne âgée de 60 ans et au-dessus, si c'est un mâle, ton estimation sera de 15 sicles, et si c'est une femme, l'estimation sera de 10 sicles. Et s'il est plus pauvre que ne monte ton estimation, il se présentera devant le sacrificateur qui en fera l'estimation, et le sacrificateur en fera l'estimation selon ce que pourra fournir celui qui a fait le vœu. Et si c'est d'une de ces sortes de bêtes, dont on fait offrande à l'Éternel, tout ce qui aura été donné à l'Éternel de cette sorte de bête, sera saint. Il ne la changera point, et n'en mettra point une autre en sa place, une bonne pour une mauvaise, ou une mauvaise pour une bonne, et s'il met en quelque sorte, que ce soit une bête pour une autre bête, tant celle-là que l'autre qui aura été mise en sa place, sera sainte. Et si c'est d'une bête souillée, dont on ne fait point offrande à l'Éternel, il présentera la bête devant le sacrificateur, qui en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et il en sera fait ainsi, selon que toi, sacrificateur, en auras fait l'estimation. Mais s'il la veut racheter en quelque sorte, il ajoutera un cinquième par-dessus ton estimation. Et quand quelqu'un aura sanctifié sa maison pour être sainte à l'Éternel, le sacrificateur l'estimera, selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et on se tiendra à l'estimation que le sacrificateur en aura faite. Mais si celui qui l'a sanctifié veut racheter sa maison, il ajoutera par-dessus le cinquième de l'argent de ton estimation, et elle lui demeurera. Et si l'homme sanctifie à l'Éternel quelque partie du champ de sa possession, ton estimation sera selon ce qu'on y sème, l'homme et de semences d'orge sera estimé 50 sicles d'argent. Que s'il a sanctifié son champ dès l'année du jubilé, on se tiendra à ton estimation. Mais s'il sanctifie son champ après le jubilé, le sacrificateur lui mettra en compte l'argent selon le nombre des années, qui restent jusqu'à l'année du jubilé, et cela sera rabattu de ton estimation. Et si celui qui a sanctifié le champ, le veut racheter en quelque sorte que ce soit, il ajoutera par-dessus le cinquième de l'argent de ton estimation, et il lui demeurera. Mais s'il ne rachète point le champ, et que le champ se vende à un autre homme, il ne se rachètera plus. Et ce champ-là ayant passé le jubilé, sera saint à l'Éternel, comme un champ interdit, la possession sera au sacrificateur. Et s'il sanctifie à l'Éternel un champ qu'il ait acheté, n'étant point des champs de sa possession, le sacrificateur lui comptera la somme de ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et il donnera en ce jour-là ton estimation, afin que ce soit une chose sainte à l'Éternel. Mais en l'année du jubilé le champ retournera à celui duquel il l'avait acheté, et auquel était la possession du fonds. Et toute estimation que tu auras faite, sera selon le cycle du sanctuaire, le cycle est de 20 obols. Toutefois nul ne pourra sanctifier le premier-né d'entre les bêtes, car il appartient à l'Éternel par droit de primogéniture, soit de vache, soit de brebis, ou de chèvre, il est à l'Éternel. Mais s'il est de bête souillée, il le rachètera selon ton estimation, et il ajoutera à ton estimation un cinquième, et s'il n'est point racheté, il sera vendu selon ton estimation. Or nul interdit que quelqu'un aura dévoué à l'Éternel par interdit, de tout ce qui est sien, soit homme, ou bête, ou champ de sa possession, ne se vendra, ni ne se rachètera, tout interdit sera très saint à l'Éternel. Nul interdit dévoué par interdit d'entre les hommes, ne se rachètera, mais on le fera mourir de mort. Or tout dîme de la terre, tant du grain de la terre que du fruit des arbres, est à l'Éternel, c'est une sainteté à l'Éternel. Mais si quelqu'un veut racheter en quelque sorte, que ce soit quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le cinquième par-dessus. Mais toute dîme de bœuf, de brebis et de chèvre, savoir tout ce qui passe sous la berge, qui est le dixième, sera sanctifié à l'Éternel. Zéroen, ne choisira point le bon ou le mauvais, et on n'en mettra point d'autre en sa place, que si on le fait en quelque sorte que ce soit, la bête changée et l'autre qui aura été mise en sa place, sera sanctifié, et ne sera point racheté. Ce sont là les commandements que l'Éternel donna à Moïse sur la montagne de Sinaï, pour les enfants d'Israël.